C'est fou. 89.3. La bonne musique en tout temps. Il est méchant, le vigile de la COP. Le vigile de la COP est méchant. C'est Bonjour et bienvenue à CNX.zip. Je m'appelle Mathieu Plante et CNX.zip, c'est l'émission qui compresse les chroniques technologiques CNX de l'émission du retour assemblage requis. Cette semaine, on compresse les chroniques de la semaine du 16 novembre avec Trucs Cool, Cybercrime et Gogo Gadget. Tout ça en plus de musique de jeux vidéo comme toujours. Tout à l'heure, il va y avoir la chronique de lundi qui s'appelle Trucs Cool. Mais avant ça, on commence directement en musique de jeux vidéo ou inspirée par des jeux vidéo. C'est l'artiste Zanzan Zawa VA avec la pièce Life Gods, et cette pièce-là fait partie du concours 30s 30 days. Ça veut dire 30 chansons en 30 jours. Donc il y avait un concours sur le concours a encore lieu, c'est 30songs30days.com. Les gens doivent compléter 30 chansons en 30 jours. Ça a commencé le 1er novembre, ça se termine le 30, et pour rester honnête, les gens doivent envoyer leurs chansons au fur et à mesure qu'ils les finissent, et puis ils envoient donc sur le site web avec un mot de passe et tout et tout. Donc voici Zanzan Zawa V avec Like Gods tout de suite à CNX.zip. Zanzan Zawa V avec Like Gods. Je rappelle l'adresse du site web pour le concours, c'est 30 Songs 30 Days, 30 chansons à compléter en 30 jours. Vous êtes à CNX.zip, l'émission la plus geek de la radio. On compresse les chroniques technologiques CNX d'assemblage requis. Voici celle de lundi dernier. C'est Truc Cool. Lundi. Oh, ça m'a surpris ça. Oh, Truc Cool. Truc Cool, c'est des choses qui n'entrent pas dans les autres chroniques thématiques de CNX. Vous connaissez les thèmes qu'on aborde souvent, les gadgets, les robots, les nouvelles du futur, le fil, n'importe quoi. C'est tout et rien en même temps, je trouve, Truc Cool. C'est comme les restants. C'est comme les restants. Ah, oh, c'est comme un doggy bag d'informations technologiques et geek. C'est des choses qui pourraient même fuiter dans certaines chroniques. Celui-là, j'aurais certainement pu le mettre dans Utilitruc. C'est un site web qui vous permet de désuivre. Là, on parle en termes de Twitter. Sur Twitter, on peut suivre des gens pour avoir leur mise à jour dans notre fil de nouvelles. Mais on peut désuivre les gens aussi. Ça veut dire arrêter de les suivre. Donc, ne plus voir leurs nouvelles. Eux continuent d'exister de leur côté. Si vous avez beaucoup, beaucoup de gens dans votre fil Twitter, et là, vous avez tout le temps ajouté des gens. À un moment donné, tu en vois un. Ah, tu dis, ah, je vais l'ajouter. Pourquoi pas un de plus? Un de plus? Ah, pourquoi pas un autre plus? À un moment donné, tu en as 1 million, puis ça commence à être difficile à suivre. Puis là, ça te prend comme 3-4 heures lire juste une journée de mise à jour sur Twitter. Ça devient lourd un peu. Donc, le site Unfollow All .com et l'adresse où il faut aller. C'est un service très, très simple. Vous entrez votre nom d'usager, votre mot de passe de Twitter dans les champs requis et vous cliquez sur « Commencer à désuivre ». Important de savoir, par contre, que, un, ça prend beaucoup de temps pour compléter le processus au complet parce qu'il n'y a pas de vraie façon dans Twitter pour faire ça. Il faut comme y aller un par un. Le service, dans le fond, fait que tu n'as pas à le faire à la main, mais ça le fait quand même un par un. Donc, c'est long à faire et en plus, une fois que c'est fait, vous allez remarquer que vous n'avez plus personne et qu'il n'y a aucun retour en arrière. Donc, si c'est, vous cliquez sur « Unfollow », c'est fini. Il n'y en a plus de gens. Donc, vous pouvez recommencer à zéro. Et puis, peut-être intégrer les gens un par un que vous voulez vraiment avoir. Vous pourriez aussi faire l'inverse. Juste partir de votre liste que vous avez et enlever des gens que vous n'aimez pas. Mais ça pourrait être long si vous avez beaucoup d'amis. Bref, donc, unfollowall.com, c'est l'adresse à aller voir. On dit souvent, tu sais, t'es personne dans la vie tant que t'as pas été honoré par la plus grande organisation de plombiers en Espagne. On le dit tout le temps. On dit tout le temps, tu sais, salopette et etc. Là. Donc, aujourd'hui, on a su récemment, en fait, ça fait quand même quelques jours de ça, mais c'est dans mon fourre-tout de petites choses utiles à savoir, que Mario de Super Mario Bros. Et autres jeux très connus a eu le privilège d'être reconnu par la plus grande association de plombiers d'Espagne, la ACEFOSAM. Hein, c'est selon le site Go Nintendo. Le groupe a donné au plombier italien préféré de tout le monde et sa mère l'honneur tant privilégié. C'est pour ses contributions à l'amélioration de l'image des plombiers à travers le monde. Hein, quand même, un des membres de cette prestigieuse organisation a même dit, je cite, « C'est une bataille difficile que vivent les plombiers depuis toujours. Bien sûr, grâce, entre autres, à l'utilisation des plombiers dans les films de porno, etc., leur image est plutôt ternie. Et Mario, grâce à lui, les plombiers sont en fait reconnus comme étant plus que l'image hyper sexualisée et beaucoup trop musculaire qu'on voit si souvent. » Ah, tu vois, c'est drôle, j'avais jamais vraiment eu cette image-là. Moi, quand je pense à plombier, je pense à craque de fer. Craque de poil. Ouais, calvitie. Oui, casquette à l'envers. Non, film porno, c'est drôle, jamais trop, non. Non, moi non plus. Ben, mais Mario, par contre, dans un film de porno. Ouais, c'est... Avec une moustache. Un petit turn-off. Il y a une moustache de porno, pareil. Non? Ouais, mais c'est ça, sa contribution à augmenter, à remieuter l'image des plombiers, ouais. c'est sa moustache. Là. Sinon, c'est quoi d'autre? Il n'y a rien de particulier. C'est Mario. Salopette. C'est la salopette et sa moustache. Donc, c'est ça qui fait de lui un bon ambassadeur des plombiers. Mmh, tout à fait. Moi, ce que je trouve bizarre là-dedans, c'est vraiment que son rôle, le plombier, est tellement plus du tout utilisé dans les jeux de Mario. T'sais. Dans le premier jeu de Mario d'arcade où tu avais des tortues des tuyaux, qui sortaient des tuyaux, ça avait du sens. Là, tu as encore des tuyaux, mais c'est le seul lien. Là. C'est douteux un peu. Là. Ouais. Mais bon, bravo, Mario. Mais là, ça, en nous suggérant ce lien-là de plombier film porno, ça risque juste de dégénérer. C'est sûr qu'il y en a qui vont... qui vont peut-être faire des animations de Mario porno, je sais pas. Ah, il y en a, par exemple! Ouais, il y en a sûrement déjà plein. Hey, celui où Mario score à la fin avec la princesse. Avec la princesse. Hein. Ouais, je te montrerai ça. J'ai jamais vu. Ouais, c'est bon. Très, très bien fait, d'ailleurs. Bon, toujours dans le petit fourre-tout de trucs cool ici dans le bloc CNX, le bloc technologique que vous aimez tant. Qu'est-ce que vos chefs font au travail? C'est une question que je me suis souvent demandée. J'ai jamais vraiment osé, tu sais, prendre une caméra, brancher ça, suivre ça pendant 24 heures. C'est un peu beaucoup trop de travail pour un gars paresseux comme moi, mais quelqu'un l'a fait. C'est vrai. On le voit sur le site todaysbigthing.com. Ça commence à dater, mais ce lien-là sera toujours drôle. On pourrait en parler dans 10 ans. Ce sera encore drôle. Donc, le gars a mis sa webcam sur son ordinateur et l'a laissé rouler pendant 10 heures. Et là, ce qu'on voit dans la vidéo, c'est 30 secondes. Donc, il a compressé une vidéo de 10 heures en 30 secondes. Il n'y a aucun bout de coupé, là. C'est aucun. Vraiment les 10 heures intégrales. Vraiment. Donc là, tu regardes ça, tu te dis, bon, ben, sûrement que les chats vont se défouler. T'sais, je veux dire, ils sont tout seuls à la maison puis ils n'ont rien que ça à faire de bouger. T'sais. Non. Ben, on les voit à peine se licher, changer de divan. Peut-être aller ça à la table. Mais sinon, reste dans le plan de la caméra pendant presque les 10 heures au grand complet. c'est vraiment, ils font rien. C'est drôle. Ouais, c'est drôle. Je trouve ça plate, moi, par exemple. Tu confirmes que c'est drôle? Oui, c'est drôle. Ben, c'est drôle parce qu'à un moment donné, le chat, bon, il se fait aller les pattes un peu, mais sinon, ils font rien de productif. Je m'attendais vraiment à plus de la part des chats. Je suis un petit peu déçu, je dois dire, par les chats. Je sais pas si c'est tous les chats qui sont comme ça, mais tu sais, ils sont, je pense, représentatifs d'une certaine population féline. Et puis, non, ennuyant. Il faudra que tu laisses avec ton chat, tu pourras le comparer après ça, ouais. Puis dire mon chat est meilleur que le tien. Probablement, en fait, qu'il est meilleur. Ouais. Probablement, oui. J'imagine. Tiens, on va l'entendre un support auditif. T'as envie un support auditif une fois de temps en temps? Ça fait jamais de mal à personne. Hein? Ici, c'est le top 50. On jouera peut-être pas les 50 au complet. Mais des pires dialogues, monologues ou one-liners, punchlines dans les jeux vidéo. Les pires doublages, si on veut, dans les jeux vidéo. C'est sur YouTube. On écoute ça un petit peu ici dans le bloc CNX. Jill, here's a lockpick. It might be handy if you, the master of unlocking, take it with you. I didn't ask to be photographed. What did you say? Your face was asking. That's why I took the photo. The car's parked in the city square. The top floor. Building at point A0063. He's there. Ça, c'est comme les acteurs juste en haut, les acteurs dans les téléréalités qui sont supposément des vraies personnes. C'est juste au niveau de ça. Ça, c'est les positions 50 à 48 qu'on a entendu. On va monter aux positions numéro 5 et plus. You must recover all the energy immediately, Mega Man. But where is Dr. Wily? That's a good question. We may be able to locate another energy emission from the radar room. Il essaie même pas. When we find that meteor, we'll find Dr. Wily. Whoa! Oh, Dennis! Help me, Dennis! It would seem that a power much greater than mine has decided that mankind must live. C'est vraiment un truc. I can only bow to that decision. Toutes des classiques, je trouve, vraiment. Non? Vraiment, non? C'est parfait. J'aurais pas pu demander mieux, ça. Donc, c'est sur YouTube. Allez voir le lien sur assemblagerequis.com. C'est le top 50 des pires jeux d'acteurs dans les jeux vidéo. Ça a été posté par Dirtfield Coffin. T'as aimé? Ouais, mais en même temps, c'est dur de déterminer. Ben, tu sais, c'est ça, on le voit là, que c'est mauvais, mais tu sais. C'est en anglais. Mais je veux dire, y en a-tu aussi les meilleurs, tu sais? Ah, ben, on va s'entendre les meilleurs, tu sais, pour comparer. Parce que, tu sais, en même temps, c'est juste des voix, là. C'est comme dans un film, par exemple, t'sais, mettons un dessin animé, si le doubleur est mauvais, c'est un peu pareil comme dans un jeu vidéo. C'est juste que dans les jeux vidéo, c'est une technologie qui est un petit peu plus jeune, donc peut-être qu'avec le temps, on essaie d'avoir des meilleurs acteurs, mais ça, c'est les 50 de tous les temps. Tous les temps, pour les jeux vidéo, c'est pas si loin que ça. Là, depuis quand qu'il y a des voix dans les jeux vidéo, c'est pas des décennies, là, tant que ça. T'sais. Ouais, c'est ça. Puis en même temps, il y a eu une époque aussi où le graphique était tellement pas. T'es tellement pas réel puis tellement pas bon que on avait-tu vraiment besoin d'avoir un jeu d'acteur impeccable par-dessus ça, t'sais? C'est sûr qu'aujourd'hui c'est plus important, mais en tout cas. Vrai. J'aimerais ça comparer ce qui est considéré comme étant les meilleurs, par exemple, t'sais, pour voir. Moi aussi. Tu connais le jeu Minesweeper ou Démineur sur Windows, sur PC? Le cofondateur de One Big Game, Martin Durande, qui était précédemment avec Guerrilla Games. Le projet qu'il a annoncé récemment est un jeu d'aventure basé sur Démineur ou Minesweeper. C'est même pas une blague. Vous connaissez tous le jeu qui vient gratuitement avec Windows. Et bien, Minesweeper est présentement en développement chez Revolution Software par un homme qui fait des jeux d'aventure depuis longtemps, Charles Cecil, qui a déjà précédemment développé la série Broken Sword et qui a collaboré avec l'artiste de Watchmen, Dave Gibbons, sur Beneath Steel Sky, qui est sorti récemment sur iPhone. Et bien, ils ont trouvé une histoire pour raconter pourquoi les mines sont dans Démineur. Et il a développé des personnages. Ça va être apparemment un jeu super cool, le côté mécanique et aussi par rapport à l'univers et comment ça va se passer là-dedans. Bref, comme un concept plutôt bizarre, mais je pense que je l'essaierai. En même temps, qu'est-ce qui va rester du réel, du jeu de base Démineur, tu sais, dans un jeu de rôle? Ouais. T'sais, dans le fond, n'importe quel jeu, c'est ça qui a eu rapport avec des mines. T'sais. Mais c'est un peu comme dans une chronique récemment, celle où je parlais de Shit My Dad Says. Non? C'est un peu ça. C'est une émission de télé basée sur un compte Twitter avec des phrases d'un gars. Ça a déjà été fait. Un peu comme Des Mineurs, ça va être dans le fond un film sûrement de guerre, comme il aurait pu être fait n'importe où avec n'importe qui, mais ça va porter le nom de Des Mineurs. Donc déjà, ça a comme une petit quelque chose. En fond, le seul lien qu'il y a avec, réellement avec le jeu de base des mineurs, c'est que la personne le dit. Le fondateur le dit que c'est un lien. Sinon, s'il ne dit pas, tu sais, personne ne fait vraiment lien, je pense. Mais en tout cas, j'ai pas vu le résultat. Tout à fait raison. Si tu sais que c'est des mineurs, bon, ça va, mais sinon, tu t'en rendrais pas. Si on ne disait pas que c'était un film sur des mineurs, ouais, tu ne saurais pas. J'ai hâte de voir. Un jeu sur. Un film sur Battleship serait cool. Ouais. Ben, en même temps, tu peux prendre n'importe quel film de marin puis dire que c'est inspiré de Battleship. C'est sûr que c'est vrai. Ça passe. C'est vrai. Ouais. Buggle, par exemple, là, ce serait plus difficile. Sur mylifeisaverage.com, un site très intéressant où les gens postent des petites phrases rapides, un peu à la Twitter, mais sur des choses qui leur sont arrivées de cocasses dans la vie. Petite citation que je vais vous faire à l'instant et qui va vous faire réfléchir. Et je cite, aujourd'hui, mon ami m'a expliqué que si tu écris 3.14 sur un morceau de papier que tu tiens en miroir, ça va dire pie, comme dans pi, pi, ta, pie, pie, comme 3.14, pa, pi, le chiffre pi. C'est pi, 3.14. Ouais. À l'envers, pie. Ta tête qui vient d'exploser, ça. Pie. Malade? Malade. C'est malade. Je vais vous laisser plein d'autres liens sur assemblagerequis.com. Entre autres, un article dont on n'a pas eu le temps de parler, mais je voulais en glisser un mot, que Trois-Rivières va être sur Google Street View un jour, très bientôt. C'est ce que ça dit. Allez voir l'article. Il y a aussi un court-métrage de Black Hole. Tu sais, des courts-métrages, il y en a des tonnes, mais celui-là, je l'aimais bien. Ça vient de Future Shorts. C'est l'histoire d'un gars qui découvre que son fax ou sa photocopieuse lui a envoyé un genre de gros trou noir. Et puis, il découvre qu'il peut se servir de ce trou noir-là pour accéder à des choses en passant sa main au travers. Par exemple, en le mettant sur, mettons, le coffre-fort de son bureau. Et puis, soudainement, ça se revire contre lui. Donc, beau petit court-métrage que moi, j'ai trouvé cocasse. Une Mona Lisa créée à partir de morceaux de carte mère. Allez voir les photos, c'est pas mal impressionnant. Il y a même des plans rapprochés du collage, si on veut. Ça n'a absolument rien à voir avec rien, mais je trouvais ça cool pareil. C'est une publicité pour Colgate d'une fille en train de manger un creamsicle, un fudgesicle, quelque chose de genre. Et le bâton est en forme de brosse à dents. C'est la publicité, donc je sais pas. C'est comme, je pense que c'est vraiment un produit que quand tu manges le popsicle, le bâton est une brosse à dents. C'est comme pour te rappeler de te brosser les dents. Je trouvais ça cool, t'sais. Tu penses que c'est vrai? C'est le produit est vraiment vendu comme ça? Je sais pas si le produit est vendu comme ça. Je crois que c'est juste une publicité. En tout cas, peu importe. Mais ouais, c'est une image, j'imagine. C'est ça. C'est vraiment, c'est écrit en Thaïlande, ce petit concept-là. Un autre concept de Roomba. Tu connais les aspirateurs Roomba? C'est un petit robot qui se promène, qui peut détecter les coins et puis tout ça, et puis fait vraiment ton ménage. Je suis pas très à jour dans le monde de l'aspirateur, là. Non. J'ai raté une couple d'années, tu vois, puis ça bouge tellement vite que hein, t'en oublies une journée, puis là. Ah ouais, c'est terrible. Ouais. Le monde de l'aspirateur, ça roule. Ça suce, là. C'est terrible. C'est quelque chose. Donc, c'est des Roomba qui jouent au Pac-Man. Donc, c'est différents modèles de Roomba, certaines avec des fantômes comme dans Pac-Man et l'autre avec le vrai Pac-Man. Et puis, en tout cas, la façon que ça fonctionne, là, c'est super cute. C'est un jeu de Pac-Man avec des Roomba. Et finalement, des codes-barres japonais. Tu sais qu'au Japon, ils utilisent des codes-barres dans leur design de produits. Donc, souvent, tu vas avoir, par exemple, des barres bâtiments en forme de code-barre ou encore, je sais pas, des plantes, des motos, des trucs comme ça. Ils se servent du code-barre sur les produits et ils font un beau petit décor autour et à l'intérieur même du code-barre au Japon. Ils sont très, très hot là-dessus. Donc, allez voir une petite galerie que j'ai mis sur assemblagerequis.com de code-barre japonais. C'était la chronique de lundi. Truc cool ici à CNX.zip où on compresse les chroniques technologiques CNX d'assemblage requis, diffusées du lundi au jeudi entre 15h et 17h. Quelques petites corrections. Ça m'arrive des fois d'en voir les corrections. On a parlé vers la fin de la chronique d'un fudgesicle Colgate. Eh bien, c'était pour le mois Oral Health Month, le mois de la santé buccale. Colgate donne toujours des produits avec des petits concepts comme ça. Donc, c'est vraiment un produit, mais en petite quantité. Donc, voilà pour ça. Et puis, sinon, j'ai fait référence à un film de Des Mineurs, mais je m'étais trompé de mot. J'avais bien commencé en disant un jeu vidéo d'aventure basé sur Des Mineurs, et puis après ça, j'avais commencé à dire film, donc bref, je me reprends là-dessus. Il nous reste la chronique de mardi, Cybercrime, et celle de jeudi, Gogo Gadget. On va continuer tout de suite avec celle de mardi, donc voici à l'instant même la chronique Cybercrime. Vous êtes à CNX.zip, l'émission la plus geek de la radio. Mardi. C'est vrai que c'est pas mal plus mystérieux comme ça, hein? C'est un petit peu plus cybercrime, il me semble. Donc, le bloc des nouvelles cybercriminalistiques, je pourrais dire. Donc, des gens qui ont fait des choses croches ou des poursuites, des choses judiciaires, des affaires de justice et de croche. C'est un peu le résumé de la chronique cybercrime dans CNX. On commence avec Sony Computer Entertainment qui, la semaine dernière, a demandé à la ville de Coshocton de couper l'accès à son Wi-Fi municipal car un citoyen avait utilisé le réseau pour télécharger illégalement l'un des films de son catalogue. Conséquemment, 11 000 habitants ont perdu un accès Wi-Fi gratuit. La vice-présidente de Motion Picture of America, de la Motion Picture of America, Elizabeth Kaltman, affirme que le problème est imputable à la génération des jeunes qui a grandi avec l'instantanéité d'Internet et l'accessibilité des ordinateurs. Ces jeunes auraient comme philosophie « si c'est disponible sur le web, je peux le prendre », contre laquelle l'industrie du divertissement doit lutter de tous les jours. Et je cite, « De plus en plus d'alternatives légales au piratage sont proposées sur le web et l'industrie enquête pour tenter de remonter jusqu'à la source des actes de piratage. » Fin de la citation. Une accusation de téléchargement illégal est susceptible, en passant, d'engendrer une amende de 150 000 $ aux civils. C'est beaucoup payé pour un film qui peut-être des fois coûte 26 $ chez un magasin quelconque. Ou une pièce aux vidéos dollars. En effet. La petite ville de l'Ohio avait implanté un réseau Wi-Fi il y a 5 ans dans une partie de la ville pour que les habitants et les employés des services officiels puissent facilement accéder à Internet. Une simple demande de Sony a donc privé une dizaine de milliers d'habitants de leur connexion sans fil à cause d'un seul pirate, bien que la loi américaine ne les y oblige pas. La ville a néanmoins fait ses devoirs et étudie la possibilité d'utiliser un programme de filtrage servant à prévenir le téléchargement illégal, entre autres. Or, cette solution est très dispendieuse, hein? Près de 5 000 $ US par implémentation et l'équipement, en plus des frais annuels s'élevant à 900 $ américains. L'article vient de Branchez-vous. Là, je te pose la question, puis peut-être tu pourras pas me répondre, là, parce que c'est quand même technique, mais si la ville avait refusé là, de couper son accès Wi-Fi, elle, en tant que telle, le fournisseur du service n'est pas coupable si... Non, la loi ne l'oblige pas à faire ce genre de choses. Dans le fond, ils ont juste voulu lécher les bottes de Sony. Ouais, peut-être. Ou peut-être que c'était juste plus facile pour eux autres de juste dire « Ah, ben, gars, c'était pour causer du trouble, là. Moi, t'arrêtais ça, moi, t'arrêtais ça. » Ce genre de monde. Ouais, peut-être qu'ils attendaient juste ça pour couper tout ça. Puis, ouais, ça devait être leur excuse. Ouais, peut-être. Ils sont contents d'avoir une petite excuse comme ça. Ah, les certaines personnes, et là, je vise pas personne en particulier, mais en général, le monde, là, des fois, ils vont un petit peu loin pour eux. Un concours de piratage, hein? T'as senti mots, là, quand attention. Même. Là. Un concours de piratage organisé par le gouvernement brésilien s'est tenu du 10 au 13 novembre dernier. Son objectif, déceler les failles du système de vote électronique en vue des élections de 2010. Et mission accomplie, une seule faille mineure a été identifiée par les 38 pirates qui ont pris part à l'expérience. Le concours a été organisé pour démontrer la sécurité des machines à vote électronique et pour montrer la transparence avec laquelle la Cour mène le dossier. C'est ce qu'a expliqué le ministre qui a coordonné les tests. 10 milliers de dollars étaient prévus en récompense pour les participants ayant identifié les failles les plus critiques. Donc, les gens ont dû travailler très fort pour en trouver. Ils n'ont pas réussi. Une équipe est parvenue à tricher. Par contre, elle a pu modifier le sceau d'une enveloppe contenant le bulletin de vote électronique. On aurait alors pu favoriser un candidat, peut-être. Le système a toutefois pu repérer l'enveloppe modifiée qu'il a rejetée. Les équipes ont pu suggérer des améliorations qui seront étudiées pour améliorer le processus électoral. Et je cite... Je suis déçu d'avoir perdu le défi, a expliqué un des participants, mais il était rassuré que le système soit sécuritaire. En termes de sécurité, ils ont atteint leur objectif, disent-ils, et les électeurs peuvent avoir confiance. Ça, c'est le secrétaire des technologies de l'information. C'est le gouvernement qui finançait ça, c'est ça? Ouais, si je comprends bien. C'est eux qui offraient la bourse à 10 000 $. C'est le gouvernement brésilien qui a organisé même le concours de piratage au grand complet. Donc, tu vois, ça, là, c'est une bonne affaire. Peut-être qu'au Québec, on pourrait s'inspirer de genre d'idées. Mais non, mais on a déjà ça, nous autres, ici. Un concours de piratage comme ça? Ben, nous autres, ici, notre gouvernement, il finance des tests comme ça. Ah oui? Ben oui, Infoman à Radio-Canada, c'est payé avec l'argent du gouvernement. Ah! Qui fait exactement ce travail-là. Il teste tous les systèmes de votation pendant les élections. Il est cher, on devrait l'engager ici, assez fou. Pourquoi t'as des doutes sur... Sur notre système informatique. Ah, OK. Bon, ouais, vraiment. Donc, ça, c'était au Brésil. Bougeons un peu pour aller rencontrer notre bonne amie Britney Spears. Britney Spears, tu connais Britney Spears? Oui, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une cyber-pirate? Pas elle, non, mais des gens, par contre, des gens. Les comptes Twitter et MySpace de Britney Spears semblent avoir été piratés par des personnes qui souhaitaient faire passer la chanteuse pour une sataniste. Des messages publiés sur son compte Twitter jeudi dernier indiquaient en effet que la chanteuse de 27 ans est une disciple de Satan. Ces messages inusités ont été effacés après que l'entourage de Britney Spears eut repris possession du compte. Plus de 3,7 millions de fans suivent Britney Spears sur son compte Twitter, qui est mis à jour par la chanteuse et son équipe. Soulignons plus son équipe. Hein? Donc, jeudi, un message d'excuse a été publié sur le compte. La page MySpace de la chanteuse a aussi été piratée à peu près au même moment. C'était pas la première fois que le compte Twitter de Britney Spears était la cible de pirates. Cette fois, les utilisateurs du site de microblogage semblent avoir réalisé rapidement que quelque chose clochait. Le sujet « Don't hack Britney » ou ne piratez pas Britney, était l'un des plus populaires sur le site. Tu sais, on parle de hashtag, là, c'est le petit truc que tu rajoutes à la fin d'une phrase. C'était bien populaire, ça. Pauvre Britney Spears, devil! Avec ma gorge, je pourrais quasiment imiter le Satan lui-même. Britney? Britney. Ça sonne un peu comme Britney. C'est un peu Britney. Hein. Je pourrais me raser la tête aussi. Mais tu vois, justement, ça n'aurait pas été si surprenant que ça soit devenu sataniste là, avec tout ce qu'il a fait récemment. C'est ça. Elle est déjà proche. Elle est proche. Le ministre québécois des services gouvernementaux, vous avez peut-être entendu parler, a lancé lundi dernier, pas hier, l'autre avant, hein, voilà. La campagne de sensibilisation à la sécurité de l'information et à la protection des renseignements personnels, c'est important de le dire. La campagne est réalisée en partenariat avec l'Institut de sécurité de l'information du Québec et vise à sensibiliser les internautes aux bonnes pratiques à adopter lorsqu'ils naviguent et font des transactions sur Internet. Le site monidentité.icic.ca est l'élément central de la campagne qui comportera des conférences virtuelles qui réuniront des participants de différents milieux. De plus, cette année, il lance un concours de réalisation de vidéos sur le thème qui est la protection de l'identité sur Internet. Le porte-parole, si vous avez vu les publicités, le très sympathique Denis Talbot, on adore ce gars-là. Je veux dire, n'importe quel geek qui se respecte au Québec doit avoir au moins un petit peu d'admiration pour Denis Talbot. Et un poster de lui dans sa chambre. Eh bien, ça, c'est pas pour tout le monde, mais quand même, quand t'as le privilège. Donc, c'est lui le porte-parole. Il est bien connu pour son implication dans le milieu de l'informatique. La campagne se déroule du 9 au 27 novembre. Même pas capable de se donner un mois. Ça, c'est... Ça m'irait plus se forcer de dire le mois de novembre au complet. Mais bon, que voulez-vous? La police iranienne a créé un comité spécial chargé de la surveillance des sites Internet dans le cadre de la lutte contre les délits commis sur la toile, notamment les délits politiques, selon un responsable de la police cité par l'agence ILNA. L'article vient de techno.cyberpresse.ca et je cite « Un comité spécial a été créé pour surveiller l'Internet et interviendra contre les tentatives d'escroquerie, les publicités illégales, les insultes ou les affirmations mensongères. » C'est ce qu'a déclaré le responsable des services de lutte contre les délits sur Internet. Le général a affirmé que la police interviendra également dans les questions politiques sur Internet s'il y a une action illégale. Ça fait peur un peu quand même, ça. Les forces de l'ordre qui agissent contre les délits comme le vol dans la société vont aussi agir contre les délits commis sur Internet avec le développement de son utilisation. Il a précisé que ce comité était composé de 12 membres agissant sous la direction du parquet. Bon. Les autorités iraniennes contrôlent étroitement Internet et ont interdit plusieurs millions de sites, notamment des sites politiques de l'opposition et des sites à caractère pornographique. Pour la porno, ça peut aller, mais pour les autres choses, là, ça brime pas mal la liberté d'expression, ça. Pas le fun. Ce pays-là. Pas sûr. Sûrement, le commentaire que je trouvais pertinent sur le site de Cyberpresse dit « On va bien devoir inventer un web underground où il sera possible de dire tout ce qu'on veut de façon totalement anonyme, sans la moindre censure. À quand des gens emprisonnés pour de simples mots? » Ah. Eh. Il y a des endroits où tu peux pas dire des choses. Ouais, c'est ça. C'est pas seulement en Iran, là. Ouais. Les amateurs de jeux vidéo utilisant une console Xbox 360 modifiée pour faire tourner des titres piratés ont eu la mauvaise surprise de voir leur accès bloqué au service de réseau du géant de l'informatique. Les sites de vente en ligne américains eBay et Craigslist fourmillent depuis quelques jours d'enchères ou d'annonces pour des Xbox modifiées, leurs propriétaires avouant s'en débarrasser car ils ne peuvent plus jouer en ligne via le service Xbox Live. Contacté par l'agence France Presse, Microsoft a refusé de préciser combien de consoles avaient été ainsi mises sur la liste noire, mais selon la presse spécialisée du secteur, elle pourrait être d'un demi-million. L'engagement de Microsoft à combattre le piratage pour les plus de 20 millions de membres de la communauté Xbox Live reste une priorité, a écrit l'entreprise dans un communiqué. Tous les clients devraient savoir que le piratage est illégal et que modifier sa Xbox 360 viole le règlement du service, annule la garantie et a pour résultat une expulsion de Xbox Live. L'opération coup de poing de Microsoft est intervenue alors que venait de sortir sur la Xbox 360 la dernière version du jeu Call of Duty Modern Warfare 2, qui a, selon son éditeur, battu tous les records de vente pour son lancement mardi, avec 4,7 millions d'exemplaires écoulés en 24 heures, ou rien qu'aux États-Unis et en Grande-Bretagne. It's a lot of money pour eux. Donc, bannir quelques gens, perdre un petit peu d'argent, c'est pas bien grave, ils vont la reprendre ailleurs, là, je pense. Ils sont pas trop à plaindre, Microsoft. Non, ça devrait pas fermer demain, je pense. Non, mais par contre, c'est dommage pour les utilisateurs. Bon, c'est sûr qu'ils faisaient peut-être des choses croches avec, là, mais quand même, ils donnaient de l'argent à Microsoft, hein, tu sais. Hein? Mais bon. C'est un peu mordre la main de la personne qui t'a nourri. Hein? Non? Un peu. Un peu. Un peu. Mais c'est triste, mais en même temps, des fois, des choses comme ça arrive. Ah, ça fait le tour pour le bloc CNX. Je vais vous laisser avec deux petits articles sur assemblagerequis.com. Un article qui revient sur un sujet qu'on a mentionné ici dans les chroniques CNX, mes aventures de Mathieu avec la crosse. Sur les packs. Donc, un article qui dit « Gare aux petites annonces en ligne », très, très vol d'identité, etc. là-dessus. Et ça parle d'Afrique, entre autres. C'était le pays, enfin, le continent qui m'a escroqué dans mes aventures. Et puis, l'explosion de l'écran d'un iPhone, la victime veut la vie d'un expert. Je vous laisse aller lire ça parce que je ne vais pas vous faire peur pour rien non plus en vous disant ça en long et en large, que des écrans d'iPhone qui explosent des fois. Fait que, étant donné que tu ne veux pas le dire en long et en large, je fais juste dire ça comme ça. Les écrans d'iPhone explosent, puis tu dis rien d'autre. C'est beau. OK, ben, dis-le-même. On va en parler rapidement, si tu veux. Le 7 août dernier, à Cannes, Olivier Milano, expert en immobilier, venait de passer un appel et avait encore son iPhone à la main quand il a entendu un bruit sec et ressenti une vibration, dit-il. La vitre du téléphone s'est alors fendue. Monsieur Milano n'a pas subi de dommages corporels. Et je cite, « Mon client veut qu'un expert indépendant puisse lui dire d'où provient ce dysfonctionnement et s'il peut continuer à utiliser ce type de téléphone sans risque. » L'avocat d'Apple, fabricant de l'iPhone, et celui de Bouygues, le vendeur de l'appareil, n'était pas rejoignable en date de, c'était, je crois, vendredi dernier, l'article date du 15 de novembre. Les deux avocats se sont opposés à la nomination d'un expert indépendant en faisant valoir que la Direction générale de la répression des fraudes avait ouvert une enquête sur cet incident. Toujours selon Maître Luciani, une quinzaine d'incidents analogues impliquant des iPhones seraient intervenus durant les derniers mois. Le tribunal va rendre sa décision le 3 décembre. Apparemment, c'est assez répandu. Il y a eu un recours collectif, quelque chose du genre en France, il me semble. Donc, apparemment, que c'est pas arrivé juste une fois, mais que c'est un problème très, très relativement mineur pour Apple, vu qu'il n'y a pas eu assez de cas pour dire que c'est... Mais c'est bizarre, c'est le département des fraudes qui enquête là-dessus. Apparemment. C'est bizarre. Je sais pas. Peut-être parce que personne d'autre de plus apte. Ils ont juste un département, finalement. C'est juste ça. C'est le département des départements. C'est ça l'enquêteur qu'ils ont. Je sais pas. Moi, en tout cas, moi, ça me fait peur un peu parce que j'ai entendu des histoires sur des MacBooks et sur des iPhones. Je sais pas. Je sais pas si je le crois. Est-ce que c'était à cause de d'autres choses, mais que là, on met le blâme là-dessus? Je sais pas. Je suis pas sûr de quoi penser de ça. C'est comme la combustion spontanée, hein. C'est pareil. C'est comme la combustion spontanée. K1 m'a regardé de même, ça va exploser. Ça fait peur. On ne sait pas exactement c'est quoi les causes. Mais ça fait peur autant que d'autres sujets. Ça peut être, je connais quelqu'un qui a peur de mettre son téléphone cellulaire autour de sa ceinture. Par peur que les ondes micro-ondes, puis mettre stérile de sa tête. Ouais. Ça fait peur, ça aussi, mais les docteurs sont très, très partagés. Hein? Oui, ça cause quelque chose. Non, ça cause rien. Oui, mais c'est pas si grave. Non, mais tu sais, ça pourrait arriver. On sait jamais. C'est la science dans 20 ans, on dira. Colin, qu'est-ce que vous faisiez avec vos téléphones cellulaires autour de la tête? Hein? Et on le saura peut-être un jour. À nos dépens, peut-être. Oui, peut-être qu'on mourra tous le même jour en 2049. Peut-être. Je sais pas. C'était la chronique de mardi, Cybercrime à CNX.z, l'émission la plus geek de la radio où on compresse les chroniques technologiques CNX d'assemblage requis. Si vous êtes du lundi au jeudi entre 15h et 17h, ici même, assez fou. Il nous reste la chronique de jeudi, GoGo Gadget. On va aussi, je crois, faire un petit tour des jeux qui sortent cette semaine. Mais avant ça, on prend une petite pause et on revient à ça. Tu me prends pour un imbécile, hein? C'est fou, c'est malade. 89. CNX.zip, l'émission la plus geek de la radio. Bonjour, vous écoutez toujours CNX.zip, l'émission la plus geek de la radio où on compresse les chroniques technologiques CNX diffusées dans Assemblage Requis, qui est l'émission du retour en pièces détachées. Et ça, c'est du lundi au jeudi entre 15h et 17h avec moi et K1. Dans quelques minutes, il va nous rester la chronique de jeudi, c'est GoGo Gadget. Mais avant ça, on retourne en musique de jeux vidéo, en chiptune. On s'en va entendre la pièce la plus aimée la semaine dernière sur le palmarès de 8bitcollective.com. C'est Blake Palmer. Oui, voici Stare at the Sun, version avec parole. Tout de suite à CLX.zip. Were mad, and parts of times when you've been sad.

King Arthur, The Role-Playing War Game sort sur PC. C'est un jeu de stratégie en temps réel. Ça sort le 24 demain. Madden NFL Arcade sort sur PlayStation 3 demain aussi. Mystery Case Files Dire Grove sort après-demain. C'est un puzzle. Fighting Fantasy The Warlock of Firetop Mountain sort aujourd'hui sur Nintendo DS. Borderlands The Zombie Island of Dr. Ned sort sur Xbox 360. C'est un shooter à la première personne. Karaoke Revolution sort sur Xbox 360 et PlayStation 3 demain. Your Shape featuring Jenny McCarthy, un autre jeu d'exercice, sort demain aussi. Ça, c'est sur la Wii. Marines Assault on Terror sort sur la Wii demain. C'est un shooter à la première personne. Stoked Big Air Edition sort aujourd'hui sur Xbox 360. C'est un jeu de sport. Tom Clancy Double Pack, la compilation, sort aujourd'hui. Tom Clancy Platinum Hits Pack sort aussi aujourd'hui. Cine Twilight. Oh oui, Cine Twilight. Wow, ça sort demain. C'est un jeu de trivia, de questions-pièges. Hello Kitty Party sort aujourd'hui sur Nintendo DS où on peut cuisiner, coudre, danser, fabriquer des robes et habiller Hello Kitty avec ses amis. Et ça sort sur Nintendo DS. Et finalement, Chicken Riot sort demain. C'est sur Nintendo Wii. C'est un jeu d'action où vous devez sortir votre fusil et sauver la ferme. C'est un peu violent comme jeu pour enfants, ça. Donc, Chicken Riot sur la Nintendo Wii. Voilà, c'est déjà la fin de CNX.zip pour cette semaine. Il y aura bien sûr des nouvelles chroniques CNX dans Assemblage requis du lundi au jeudi entre 15h et 17h et puis la compilation lundi prochain à 10h. On va se quitter avec Crescent Serenade de la trame sonore de Phantasy Star Zero. C'est du classique PSO qu'ils disent sur Internet, très atmosphérique avec un mélange de sons d'orchestre et de science-fiction un petit peu dur à décrire. En passant, Famitsu dit que les trames sonores de Phantasy Star Zero sont sur iTunes au Japon, mais apparemment qu'il y a des endroits peut-être pas super clean pour aller les télécharger en torrent, je dis ça comme ça. Donc allez voir assemblagerequis.com pour le lien. La pièce s'appelle Crescent Serenade. Le dîner de con va suivre à 11h avec Danny Jean-Pierre. Restez là, bye bye. Dash.com.